j'ai des passions très ardentes, et tandis qu'elles m'agitent, rien n'égale mon impétuosité. Je ne connais plus ni ménagement, ni respect, ni crainte, ni bienséance. Je suis cynique, effronté, violent, intrépide. Il n'y a ni honte qui m'arrête, ni danger qui m'effraie. Or, le seul objet qui m'occupe, l'univers, n'est plus rien pour moi. Mais tout cela ne dure qu'un moment, et le moment qui suit me jette dans l'anéantissement. Prenez-moi dans le calme, je suis l'indolence et la timidité même. Tout m'effarouche, tout me rebute. Une mouche en volant me fait peur. Un mot à dire, un geste à faire, épouvante m'apparaissent. La crainte et la honte me subjuguent à tel point que je voudrais m'éclipser aux yeux de tous les mortels. S'il faut agir, je ne sais que faire. S'il faut parler, je ne sais que dire. Si l'on me regarde, je suis décontenancé. Quand je me passionne, je sais trouver quelquefois ce que j'ai à dire. Mais, dans les entretiens ordinaires, je ne trouve rien, rien du tout. Ils me sont insupportables, par cela seul, que je suis obligé de parler. Ajoutez qu'aucun de mes goûts dominants ne consiste en choses qui s'achètent. Il ne me faut que des plaisirs purs, et l'argent les empoisonne tous. J'aime par exemple ceux de la table, mais, ne pouvant souffrir ni la gêne de la bonne compagnie, ni la crapule du cabaret, je ne puis les goûter qu'avec un ami, car seul, cela ne m'est pas possible. Mon imagination s'occupe alors d'autre chose, et je n'ai pas le plaisir de manger. Si mon sang allumé me demande des femmes, mon cœur ému me demande encore plus de l'amour. Des femmes à prix d'argent perdraient pour moi tout leur charme. Je doute même s'il serait en moi d'en profiter. Il en est ainsi de tous les plaisirs à ma portée. S'ils ne sont gratuits, je les trouve insipides. J'aime les seuls biens qui ne sont à personne qu'au premier qui sait les goûter. »